L'ASBL, le Jardin des Jeunes, vous présente. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Il est important que vous sachiez, mes chers frères et sœurs, que Satan, لعنه الله, Iblis, لعنه الله, a pris un engagement devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il a pris un engagement ferme d'égarer le plus qu'il peut. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous relate cela lorsqu'il dit après un engagement ferme. D'égarer le plus qu'il peut. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Donc on voit ici que cet engagement que Satan s'est pris, c'est d'égarer le plus qu'il peut de l'humanité, al-bashariyya, de les sortir de ce chemin. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان الفاضل في الله. فقاتلوا أولياء الشيطان. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. الله أكبر. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. الشَّيْطَانِ الثَّابِرُ فِي اللَّهِ. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. الله أكبر. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Mes chers frères et sœurs, ayyuhal ikhwatu wal akhawat, le sujet d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, que nous allons voir ensemble et découvrir ensemble, concerne les stratagèmes de Satan. Asalib, masalik, shaitan. Donc les stratagèmes de Satan, les stratagèmes que Satan utilise pour égarer ses serviteurs, pour les écarter du chemin. أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Les stratagèmes de Satan. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Les stratagèmes de Satan. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ. Les stratagèmes de Satan. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد mes chers frères et sœurs, أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, que nous allons voir ensemble et découvrir ensemble, concerne les stratagèmes de Satan. Asalib, masalik, shaitan. Donc les stratagèmes de Satan, les stratagèmes que Satan utilise pour égarer ses serviteurs, pour les écarter du chemin. Il est important que vous sachiez, mes chers frères et sœurs, que Satan, Iblis, a pris un engagement devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il a pris un engagement ferme d'égarer le plus qu'il peut. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous relate cela lorsqu'il dit, parlant d'Iblis, lorsqu'il s'adresse à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, en disant, « Qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin » Il dit, je jure par ta grandeur, ta puissance, Ya Rab. La arwiyannahum ajma'in. Je vais tous les induire dans l'erreur. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Sauve tes serviteurs que tu auras élus. Que tu auras sauvés, préservés. Ceux-là seront à l'abri de mon stratagème. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a condamné Iblis à la malédiction, al-la'na wa tard, et qu'il a chassé, et qu'il a condamné à rester jusqu'à la fin des temps. À ce moment-là, également ici, Iblis qui a refusé de se prosterner devant Adam, alayhi salam, comme nous allons le voir. Qu'est-ce qu'il dit ? S'adressant à son Seigneur, il dit, « Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. » Il dit à son Seigneur, « Tu m'as induit en erreur, tu m'as chassé. » D'accord. « La'aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. » Je vais me mettre sur leur chemin, sur ton chemin droit. ثم لآتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال فبما أغويتني, tu m'as induit en erreur, tu m'as écarté de ce chemin, tu m'as chassé de ton paradis. لأقعدن لكم صراطك المستقيم. Je vais me mettre sur ton chemin droit, afin que je serve de barrière. Afin que je serve de barrière à tes serviteurs. Et je les assaillerai par devant et par derrière. À droite et à gauche. Je viendrai de tous les côtés, les déranger, les écarter ton chemin. Et tu verras, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras que très peu parmi eux seront des reconnaissants. Shakirin. Donc on voit ici que cet engagement que Satan s'est pris, c'est d'égarer le plus qu'il peut de l'humanité, al-bashariya, de les sortir de ce chemin. Alors avant de découvrir son stratagème, d'abord qui est Iblis ? Qui est-il ? Bien sûr, je ne vais pas vous faire... Il n'a pas d'état civil, donc je ne vous ferai pas non plus son CV. Le CV d'Iblis, vous le connaissez, son curriculum vitae, vous le connaissez. Il n'a pas besoin de commentaires. Mais cependant, Je trouve qu'il est important de, en deux mots, de parler de lui. D'abord, il faut savoir que Iblis, le mot Iblis vient du mot arabe Al-Iblas. On dit en arabe Ablasa Fulan, c'est-à-dire que la personne a rompu tout espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est qu'il n'a plus de retour, il ne sait plus revenir vers Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'Iblis a été appelé Iblis. Parce qu'à partir du moment où il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, qu'il a désobéi à son Seigneur Azza wa Jal, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a chassé. Il l'a chassé et l'a condamné définitivement, il n'y a plus de retour. Et c'est pour cela qu'il a été surnommé Iblis, comme l'indique un savant dénommé Raghib al-Asfahani dans son livre Mufradat ou Ghari Mufradat al-Qur'an. Aussi, il est important de savoir que Iblis lui-même fait partie des djinns. Ce n'est pas un ange, c'est un djinn. Et le verset 50 dans Sourate Al-Kahf, Sourate la Grotte, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges de se prosterner à Adam. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ lorsque nous disons aux anges اسْجُدُوا لِآدَمَ prosternez-vous pour Adam. فَسَجَدُوا ils se sont prosternés إِلَّا إِبْلِيسَ sauf lui. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ il faisait partie des djinns et il a désobéi. Donc il est sorti de l'obéissance à son Seigneur. Et c'est là que les savants disent que le premier péché qui s'est produit, son origine c'était l'orgueil, Al-Kibr. Parce qu'Iblis n'a pas accepté, il dit comment moi je me prosterne devant lui, qui est-il d'abord? Et c'est pour ça qu'Iblis dit « Ana khayru minhu » dans le Coran. « Ana khayru minhu » je suis meilleur que lui. « Khalaqtani min nar » je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, quant à lui tu l'as créé d'argile. Et ici on voit que les djinns, mes chers frères et sœurs, comme il le relate dans Sahih Muslim, d'après Aïcha radiallahu anha, les djinns ont été créés de feu, sans fumée. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il dit, il dit, خلقت الملائكة من نور, les anges ont été créés de lumière. وخلقت الجان min marij min nar, et les djinns ont été créés de feu sans fumée. Wa khuliqa adam mimma wasifa lakum, adam a été créé de ce qui vous a été décrit. On peut demander inchallah aux frères de se rapprocher, barakallahu fikum jami'a. Donc on voit ici, mes chers frères et sœurs, que shaitan iblis est un djinn. Quant aux nombreux récits qu'on trouve dans les livres de tafsir où on nous relate pas mal d'explications, plutôt de commentaires, d'histoires le concernant, comme quoi il détenait l'autorité des cieux et de la terre au nom de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tous ces récits ne tiennent pas debout, car ce sont ce qu'on appelle des narrations israélites, donc israéliates, et il est connu que les israéliates, on doit les mettre de côté. Bien bon, il y a un développement par rapport à ça, mais par rapport à ce point-là, vu que nous n'avons aucun détail à ce sujet, eh bien il convient de s'abstenir de se prononcer. On retient que c'est un djinn, qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné le privilège d'être aux côtés des anges, pas plus. Et il a désobéi. Aussi, mes chers frères et sœurs, sachez que Iblis a installé son trône parce qu'il veut concurrencer le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'il est perdant d'avance, mais il tient quand même à concurrencer son Seigneur Azza wa Jalla. Et Allah lui a donné ce délai afin qu'il agisse comme il a envie. Dans Sahih Muslim, d'après le compagnon Jabir ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Iblis yada'u arshahu ala al-ma'a » Donc Iblis a installé son trône sur la mer. « Thumma yab'athu sarayah » Ensuite, il envoie ses bataillons, les siens, afin qu'ils aillent faire la fitna par-ci et par-là. « Fa'aqrabuhum manzilan » ou « manzilatan » « a'azamuhum fitna » Le plus proche de ses collaborateurs, celui qui est le plus proche, c'est celui qui a fait le plus de désordre, le plus de fitna. Et lorsque l'un d'entre eux part, il vient, il dit « Fa'altu kada wa kada » J'ai fait ceci et cela. Il vient faire son rapport, compte rendu. Parce que bon, il a un patron, il a un supérieur, il faut bien qu'il lui donne des, hein, qui fasse un compte rendu. Il dit voilà, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait ceci et cela. Et c'est là que Iblis lui dit, ma sanata shayen, toi t'as rien fait. Ma sanata shayen, tu n'as rien fait du tout. Un autre vient et dit, ma taraktuhu hatta farraktu baynahu bayna ahli. Je ne les ai pas quittés jusqu'à ce que je les séparé de sa famille. Donc j'ai fait éclater une famille. Il lui a fait Udnu minni. Fa adna, et dans un autre loft, faltazamahu. Fa qal ni'ma ant. Iblis lui dit, viens, toi tu peux te rapprocher de moi. Reste à mes côtés. Et il lui a dit ni'ma ant. Donc ô combien tu es noble. Toi qui as fait tout cela, toi qui as semé cette discorde, cette division, tu es le plus proche de moi. Aussi, nous sommes toujours dans, la découverte d'Iblis, qui est-il? Aussi, il est important de savoir qu'il a une descendance. Et un jour, l'imam Shaabi, rahimahullah, il y a un homme qui est venu le voir, en lui disant, dis-moi un peu, Iblis, a-t-il une épouse? Alors l'imam Shaabi a fait bien sûr qu'il a une épouse. La preuve de cela, c'est le verset. C'est la suite du verset 50 dans Surat Al-Kahf. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ. Le prenez-vous ainsi que sa descendance comme étant des alliés en dehors de moi, alors qu'ils sont des ennemis pour vous? Et bien sûr, la question idiote, à 5 francs comme on dit, que cet homme a posé après à l'imam Shaabi, lorsqu'l'imam Shaabi lui a montré qu'Iblis a une épouse et il a une descendance. Il lui dit, quand s'est-il marié? Et c'est là que l'imam Shaabi fait, ah ça, c'est un mariage auquel je n'ai pas assisté. Concernant les noms de Satan, l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir a relaté, lorsqu'il a parlé de Satan, il a relaté de nombreux noms concernant chaque Satan, ce qu'il faisait comme fonction. Ici aussi, mes chers frères et sœurs, tous ces noms, il n'y a aucun qui tient. Il n'y a aucun qui nous est parvenu de sources sûres et authentiques. Ce sont de nouveau des israéliettes, des narrations israélites. Un seul nom qu'on connaît, c'est Khanzab, dans Sahih Muslim. Khanzab, c'est ce Satan qui vient déranger le croyant pendant la prière. Il essaie de le perturber, de lui faire perdre donc ses repères lorsqu'il lit. Et on va voir ça avec nous après, Inch'Allah. Lorsque le compagnon Uthman ibn Abi al-As est venu voir le prophète, sincèrement se plaignant en disant « Inna shaytan qad labbasa alayya, shaytan, Satan m'a quelque peu perturbé dans ma prière. Je ne sais plus ce que j'ai lu. » Alors c'est là que le prophète, sincèrement, le dit « Dhaka shaytan yusamma khanzab. » Et on peut dire khanzab, khinzab et khunzab. Donc il y a un choix au niveau de son nom. Khanzab, khinzab ou bien khunzab. Donc il dit, le prophète sallam dit, si tu le sens, faïda ahsastahu, si tu le sens arriver, il vient te perturber dans la prière, eh bien tu peux dire, a'oudhu billah, ta'awwadh minhu, tu, en pleine prière, tu peux dire a'oudhu billah, et crache légèrement à ta gauche. Attention, je rappelle mes frères ici, c'est souffler légèrement, pas que ton voisin à côté tu lui balances, comme on dit, un molar mskina. Comprends, je ne sais pas ce qui se passe. Non. Donc, cracher légèrement, vraiment légèrement. C'est comme si tu soufflais, en fait. 3 fois à ta gauche. Donc, faites attention à ça. Hein. C'est pas cracher. Taïb. Donc, l'imam Qurtubi, rahimahullah, dans son tafsir, il relate, d'après Ibn Atiyya, que tous ces noms n'ont aucune origine sûre et authentique, si ce n'est bien sûr Khanzab. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi, mais qui est un hadith malheureusement da'if, on dit qu'il a comme nom un autre shaitan qui viendrait déranger le croyant, viendrait déranger le croyant durant ses ablutions par le chemin de l'ouest-ouest. Il existe, on ne doit pas le nier. Mais quant à son nom, comme il est relaté dans ce hadith qui est faible, da'if, on dit qu'il s'appelle Al-Walahan. Ici aussi, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que ce hadith da'if, il ne tient pas debout. Mais il est vrai qu'il y a un Satan spécialement qui a pour profession et métier, qui est formé pour ça. pour venir faire le SOS aux croyantes. Faites ablution, tu sais plus combien t'as fait. J'ai fait 3 fois, 4 fois, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait mon pied, j'ai pas fait ma tête. Bref, il te perturbe afin que tu passes ton temps à répéter. Et une fois, on m'a raconté que là, il répétait ses ablutions près de 20 fois. Tellement qu'il le SOS. Vraiment l'exagération. Également, mes chers frères et sœurs, toujours dans la présentation de Iblis, on est un peu obligé. Shaitan, Allah Azzajal, lui a donné le pouvoir de se présenter ou de prendre l'apparence humaine. Il est capable. Comme le relate Ibn Mas'ud dans Sahih Muslim, il nous rappelle que Shaitan peut prendre l'apparence d'un être humain, venir s'asseoir avec les gens, discuter avec eux, leur sortir des mensonges. Et puis il s'en va et lorsqu'il part, c'est là qu'une personne se dit, tiens, une fois il y a un qui est venu, on se rappelle de son visage, mais on ne sait plus comment il s'appelle. Donc il est capable de venir sous la forme humaine et c'est arrivé également à Abu Huraira, lorsqu'un Satan est venu donc pour voler donc, des dates qui étaient réservées pour la sadaqa, pour l'aumône, et que Abu Huraira l'a attrapé. Et ça, on va voir chercher plus tard qu'est-ce qu'il en est exactement. Alors pourquoi on l'a appelé Shaitan? Pourquoi l'a-t-on appelé Shaitan? Un peu de langue arabe, inshallah. Le mot shaitan vient du mot arabe shatona, qui veut dire ba'ouda, c'est-à-dire quelqu'un qui était éloigné. Lorsqu'on dit shaitan, c'est celui qui était éloigné. Il était éloigné de la clémence d'Allah Azzawajal, il était éloigné de sa miséricorde, de son pardon. Et il est important de rappeler, mes chers frères et sœurs, que le mot shaitan ne s'adresse pas seulement aux djinns, mais aussi aux êtres humains. Il y a des hommes aussi qui sont des shayatins. Par leur comportement, par leur attitude, on a l'impression qu'il y a un Satan qui habite en eux et qui leur dicte ce qu'ils doivent faire. Et ça, le Coran le prouve. Le Coran le prouve lorsqu'il parle, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait des ennemis pour les prophètes. Et ces ennemis, ce sont des humains, des djinns. Lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا » Et nous avons assigné à chaque prophète un ennemi faisant partie des satans, de djinns et humains. Donc, lorsqu'on parle de shayatin, il faut rappeler, mes chers frères et sœurs, que ce n'est pas particulier aux djinns, mais il y a malheureusement des êtres humains qui ont des comportements de shayatin. Ils ont des comportements sataniques. Ça, c'est donc, bien sûr, la présentation en deux mots, la carte d'identité donc de Iblis. Quant à ces méthodes, le Coran, lorsque nous retournons à la parole de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous voyons qu'Allah Azza wa Jalla nous a décrit les stratagèmes d'Iblis, nous a expliqué qu'est-ce qu'il faisait exactement, comment il essayait d'induire les gens en erreur, de les sortir du chemin. Et je vais vous résumer, inshallah, quelques-unes de ces méthodes, telles qu'elles ont été citées dans le Coran, avant de passer au vif de notre sujet. La première méthode, c'est ce qu'on appelle l'istizlal. L'istizlal, c'est faire glisser quelqu'un dans quelque chose. Comme il a fait avec Adam et Hawa. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, ne mangez pas de cet arbre. Qu'est-ce qu'il leur a fait lui? Il leur a dit, il est venu vers eux, il a commencé à les influencer. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Donc, Shaitan est venu, il les a glissés, il les a poussés à commettre ce péché. Et c'est comme ça qu'il fait avec nous. Il nous pousse progressivement, pas à pas, jusqu'à ce qu'on tombe dans le péché. Et il nous fait des introductions, muqaddimat. Il nous fait des introductions afin qu'on tombe. Et c'est après qu'on regrette. Heureusement que nous sommes encore vivants pour se corriger. Mais en tout cas, lui, il a marqué un point. Voyez-vous? Donc, l'istizlal. Deuxième chose, il leur donne le mal. Al-fahsha. Tout ce qui est mauvais, répugnant, il leur donne. La perversion, al-fisq, l'injustice, al-zulm, al-kadhib, le mensonge, al-nifar, l'hypocrisie, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est répugnant, Satan leur donne. Allah Azza dans le Coran nous dit, al-shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Satan vous promet la pauvreté, donc il empêche le croyant de faire ce qu'on appelle infar fi sabil, de dépenser dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Il dit, ne dépense pas, tu vas devenir pauvre. Et il vous ordonne de faire donc des choses répugnantes. Également, parmi ces méthodes, troisième, il promet la pauvreté et de faux espoirs. La pauvreté, on en a déjà parlé précédemment. Quant aux faux espoirs, et ô combien il fait ça, surtout parmi les jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura. » Ya'iduhum wa yumannihim. Il leur fait des promesses. Wa yumannihim, et il alimente en eux des espoirs. Wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura. Alors qu'en réalité, ce que shaytan leur promet, al-ghurur, ce sont des choses superflues. C'est un mirage, sarab. Rien de fondé. Également parmi ces méthodes, telles que le Coran nous l'a relaté, tel que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous l'a relaté, at-tahwif, il essaie de nous faire peur. Il essaie de nous montrer que nos ennemis sont plus forts que nous, afin qu'on se plie, qu'on ait peur d'eux. Comme il a fait avec les premiers musulmans dans de nombreuses batailles, il essayait de faire croire aux musulmans, faites attention, votre ennemi, il est très très puissant, beaucoup plus puissant que vous. Et Allah Azza wa Jalla nous donne une leçon en disant, ne croyez pas ce qu'il dit. Innama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'ah. Il dit ça, c'est Satan qui essaye de vous faire peur de ses adhérents, de ses partisans à lui. Allah nous dit, fala takhafuhum. N'ayez pas peur d'eux. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Ayez peur de moi si vous êtes véritablement croyant. Donc on ne doit pas avoir peur de Satan et de ce qu'il essaie de nous insuffler. Également parmi ces méthodes, cinquièmement, tazyinul a'mal. Il essaie d'embellir ce qu'on fait de mal. De mauvaises actions, ma'as, des péchés, il essaie de les embellir, de les faire passer sous une belle forme. Comme le shirk par exemple, le polythéisme, le shirk, et tout péché, qu'il soit grand ou petit, Satan fait tout pour l'embellir. Et lorsque vous retournez à la sourate An-Naml, la sourate les fourmis, lorsque Allah Azza wa Jal parle de la reine de Saba et comment elle coulait dans elle et son peuple dans le polythéisme et qu'eux ils trouvaient que c'était bien, qu'ils n'avaient pas de problème, que c'était une façon d'adorer Dieu correctement comme ils disent. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ » وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Satan, qu'est-ce qu'il a fait à ces polythéistes, à ces gens dans le péché, dans la turpitude? Il aura embelli leurs actions. Il leur a dit, c'est pas grave ce que vous faites, c'est très bien. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Et il les a écartés du chemin. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Et ils n'arrivent pas, ces gens écartés du chemin, n'arrivent pas à revenir vers ce chemin. Également, et ça c'est le plus répandu aussi parmi ces méthodes, الْوَسْوَسَة. Ce qu'on appelle, ce qu'on connaît donc sous le nom de l'ouest. Il vient faire l'ouest. Il vient nous insuffler des pensées dans nos consciences. Comme il a fait également à Adam alayhi salam. En lui promettant l'éternité s'il mangeait de cet arbre. Et en lui promettant également un royaume impérissable. Fa waswasa ilayhi shaytan. فقال يا آدم هل أدلك على شجر الخلد على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان. Donc Satan est venu influencer, donc Iblis est venu influencer, est venu faire le waswas, insuffler des pensées à Adam en lui disant هل أدلك, veux-tu que je t'indique l'arbre d'éternité, وملك لا يبلى, et un royaume impérissable, veux-tu que je te l'indique, va manger de cet arbre. Et c'est comme ça que fait Iblis avec nous. Il vient, il nous présente une chose sous une belle apparence. Question de nous faire tomber donc dans son piège. Également, mes chers frères et sœurs, l'oubli, An-Nisyan, il fait tout pour nous faire oublier le rappel d'Allah Azza wa Jal. Il fait tout. Il fait tout pour nous faire oublier l'appel d'Allah Azza wa Jal. Il fait tout pour que nos consciences soient occupées, soient travaillées, soient préoccupées par ce bas monde, cette dunya. Il fait tout pour ça. Parce que son ennemi, c'est dhikrullah azza wa jal. C'est se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son ennemi. Istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrullah. Istahwadha alayhim ash-shaytan, il les a envahis. Shaytan les a envahis fa ansahum dhikrullah. Et il leur a fait oublier le rappel d'Allah azza wa jal. Comme on va le voir, inshallah. Et dernièrement, parmi les méthodes que le Coran nous a citées, ce qu'on appelle النزغ. النزغ, c'est il sème la confusion, il sème le désordre entre les gens. Comme le dit le Seigneur subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُلُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ بَيْنَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ الْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Et dis à mes serviteurs qu'ils disent les meilleures paroles. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ بَيْنَكُمْ. Donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan, il essaye de semer la discorde et la division. Comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé deux hommes en train de s'insulter. Rajulani et Stabban. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je connais un mot que s'ils le disent, ça va les calmer. Ils doivent dire, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Ça va les calmer. Donc on voit ici qu'il fait tout pour semer cette confusion. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate, dans un hadith rapporté par Muslim et Tirmidhi et d'autres, il relate que Satan a désespéré qu'Allah Azza wa Jalla soit en, que plutôt que quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré, le shirk, dans la péninsule arabique Al-Jazira. Lakin bit-tahrishi baynakum. S'il n'a pas réussi à vous faire tomber, si plus tard il ne réussira pas à vous faire tomber dans le shirk, dans le polythéisme, il va faire autre chose. Al-tahrishi baynakum. Il va essayer de semer la discorde, la division entre les gens. Combien de fois on entend deux frères qui discutent entre eux? C'est une simple discussion, ou deux sœurs par exemple. Au début, la discussion est normale. Le ton est normal. Et puis du coup, le ton commence à monter. Alors qu'au début, il n'y avait rien entre eux, absolument rien. C'était très amical et très calme. Et du coup, ça monte, la tension monte, monte, et tout explose. Et du coup, à la fin, quelquefois même, malheureusement, cela se transforme en haine et mépris. Alors pourquoi? Pourquoi avons-nous choisi ce sujet? Pourquoi choisir ce sujet, mes chers frères et sœurs, surtout pendant ce mois donc de Ramadan? Ce que vous devez savoir, mes chers frères et sœurs, que Satan fera tout pour faire en sorte que si le croyant prend de bonnes décisions, si le croyant prend de bonnes décisions et de bonnes résolutions durant ce mois, de revenir vers Allah Azza wa Jalla, de se repentir, de se corriger, si le mois sort, il fera tout pour l'écarter. Il fera tout son possible pour l'écarter de ce chemin. Et il suivra toutes les pistes possibles et imaginables pour l'écarter, pour l'égarer. Ça, vous devez savoir ça. Et Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de prendre Satan comme ennemi. On ne doit pas pactiser avec lui. On doit le prendre comme ennemi. Comme ennemi. Lorsque le Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit, Inna shaitan lakum adu. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُ حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًا. Satan est votre ennemi. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا. Prenez-le comme tel. إِنَّمَا يَدْعُ حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. En réalité, il appelle ses partisans pour qu'ils fassent partie des gens de l'enfer. Donc, ici, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de prendre Satan, Iblis, ainsi que ses partisans comme ennemi. Également, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous rappelle que même s'il suit toutes ces pistes, en réalité, son complot à lui, son stratagème est très faible. On ne doit pas se laisser influencer ou bien, comment dire, émerveiller par ses plans. En réalité, son stratagème à lui est très faible. Écoutez ce que dit le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit فَقَاتِلُوا أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ. Combattez les partisans de Satan. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Car en réalité, le stratagème, le complot de Satan est faible. Alors quelles sont ces pistes, mes chers frères et sœurs, qu'il essaie de suivre pour nous écarter du chemin, pour nous égarer? Et vous avez vu au début, je vous ai cité au début le verset où il promet à son Seigneur subhanahu wa ta'ala de tout faire. De faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous égarer, par n'importe quel chemin. N'importe quelle porte où il peut profiter pour nous égarer, qu'elle soit minime, que cet égarement soit moindre ou important, peu importe, le plus important, c'est qu'il égare. Alors, nous avons un savant dénommé Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Madarij al-Salikin. C'est un livre qui a été traduit en français et qui porte le nom maintenant, c'est un livre jaune. Les sentiers des itinérants. Donc il était traduit sous ce nom, les sentiers, donc des itinérants. Et c'est là que Ibn Qayyim a cité les six pistes ou les six chemins par lesquels Iblis, Satan, fait tout son possible pour nous égarer. Alors on va commencer par la première de ces pistes. Le premier de ces obstacles qui nous met sur notre chemin afin de nous égarer. Le premier obstacle, Al-Kufru Billah. Al-Kufru Billah wa bi-liqa'ihi wa dinih. Al-Kufru Billah wa bi-dinih wa liqa'ihi. La mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala, en sa religion, en sa rencontre. Il fait tout son possible pour faire tomber le croyant dans la mécréance. Il fait tout son possible pour le faire tomber dans le shirk, le polythéisme. Il fait tout ce qui est possible, imaginable pour ça. Regardez ce que Allah Azza wa Jalla nous dit de lui dans la sourate, le rassemblement, sourate Al-Hashr. Allah Azza wa Jalla nous parle de sa tactique, comment il nous fait tomber dans la mécréance, ensuite il se retire. Il dit, moi j'ai rien à voir dans l'histoire. Il dit, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. C'est étonnant ça. Vous avez entendu ça? Donc ici, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de Satan. Il dit, كمثل الشيطان, tel Satan, إذ قال للإنسان اكفر. Il dit à l'être humain, mécrois, vas-y, mécrois. فَلَمَّا كَفَرْ. Et lorsque l'être humain mécroit, qu'est-ce qu'il lui dit? قَالَ إِنِّي بَرِئُ مِنْكَ. Je suis innocent de toi. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Moi j'ai peur d'Allah, le Seigneur des mondes. Je suis innocent de ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'il fait avec nous. Lorsqu'il nous fait tomber dans la mécréance, ou dans le péché, ou dans la turpitude, il se retire. Il dit, moi j'ai plus rien à voir, je crains mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim et d'autres, il relate que Satan, qu'est-ce qu'il fait quelquefois? Il pose des questions en nous-mêmes, sur du wiswas. Et certainement, parmi nous, il y a certainement des personnes qui ont eu ça. Il pose des questions. Il te dit, « Men khalaqa kada ?» Qui a écrit ceci? Tu vas répondre, Allah. Ensuite, il fait, « Men khalaqa kada ?» Qui a écrit ceci? Tu réponds, Allah. Jusqu'à ce qu'il arrive, il te dit, « Men khalaqa Allah ?» Qui a écrit Allah, Azza wa Jal? Donc il te fait tomber dans un tourbillon, dans un cercle vicieux, afin qu'il te mène droit vers la mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise que si maintenant il arrive à ce degré-là, il dit, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Si l'un d'entre nous, Satan, a réussi à nous poser ces questions, en arrivant jusqu'à ce qu'il nous dit, مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ. Qui a créé ton Seigneur? C'est là que nous devons dire, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous disions, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, et qu'on arrête, qu'on coupe court, qu'on essaie de préoccuper notre conscience par autre chose, afin qu'il ne revienne plus nous poser la même question. Et dans une narration rapportée par Muslim, le prophète nous recommande de dire Amantu billahi wa rasulih. J'ai cru en Allah et en ses messagers. Regardez comment ces tactiques sont très subtiles. Il fait tout par le wiswas, il fait tout pour nous égarer. Par le wiswas, il fait tout pour nous faire tomber dans ce qui n'est pas permis. Et il y a une histoire que certains savants relatent dans leurs livres. Je l'ai sûrement déjà relaté parmi vous ici. Ça se passe en Tunisie, à l'époque de ce qu'on appelait donc Qayrawan, qui était une grande ville de science, qui était la capitale de la science, de l'ilm, donc au Maghreb à l'époque. Et il y avait une jeune femme ou une jeune fille qui était la fille d'un savant très connu, renommé dans cette région, qui est sortie. Donc au marché ou pour une chose quelconque, et elle s'est perdue. Elle s'est perdue dans les ruelles et les sentiers, donc de la ville. Et regardez, ici c'est pour souligner le wiswas. Regardez comment Satan fait tout par le wiswas pour faire tomber dans ce qui n'est pas permis. Et c'est alors que la nuit est tombée. Et vous savez, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y a des lumières partout, il y a des lampadaires. À l'époque, ça n'existait pas. Il fait sombre. Alors elle a commencé à s'orienter, cette jeune fille, pour essayer de trouver un refuge jusqu'au matin, et de là, elle essaiera de s'orienter pour revenir donc à sa demeure. Elle a trouvé une maisonnette. Il y avait une lumière dedans. Elle a frappé à la porte. Et lorsqu'elle a frappé à la porte, un jeune homme lui a ouvert la porte. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, est-ce que tu me permets de rester chez toi jusqu'au matin. Car je n'ai pas où loger dans la rue, je vais loger où ? Lui dit, écoute, je suis seul, je vis seul, je ne peux pas te faire entrer toute seule ici. Elle a dit, laisse-moi près de la porte. Fais-moi entrer, mais que je reste près de la porte. Il a accepté. Elle est entrée, regardez. Elle est entrée, cette jeune femme ou cette jeune fille s'est installée près de la porte, à l'intérieur. Et elle a remarqué que ce jeune était un talib ilm. C'était quelqu'un qui étudiait donc l'islam, les sciences islamiques. Il avait ses livres, il avait sa bougie, et il lisait. Et elle a remarqué qu'à un moment donné, il commençait à brûler ses doigts. La bougie, il a commencé à glisser ses doigts, elle est brûlée, les uns après les autres. Elle n'a pas compris qu'est-ce qu'il fait celui-là. Moi, je me dis, non, il est fou, là, qu'est-ce qui lui arrive? Vous avez déjà vu quelqu'un qui brûle ses doigts sur une bougie? Donc, le matin est venu, elle est partie. Elle a retrouvé son chemin et a retrouvé son père. Et qassat ala abiha, donc elle a raconté à son père cette histoire. Son père était étonné. Or, il s'avère que ce jeune était un élève de son père. Ce jeune était un élève de son père. Regardez bien. Le père qui est un grand professeur de sciences, un homme de sciences, lorsqu'il donnait cours, il a remarqué dans l'assemblée donc un jeune qui avait un bandage sur sa main. Et il s'est rappelé l'histoire. Il s'est rappelé ce que sa fille lui a raconté. Alors après le cours, il l'a convoqué. Viens ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ta main? Il n'a pas voulu dire, il n'a pas voulu parler. Il a fait ça, « Hada amrun bayni » ou « bayna rabbi ». Ça, c'est une chose entre moi et mon Seigneur. Il a fait, « Écoute, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me dises, jusqu'à ce que tu me dises, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me dises pourquoi tu as ce bandage. » Il a dit, « Voilà, je vais te raconter. » Regardez, « At-taqwa, la crainte d'Allah Azza, qu'est-ce qu'elle fait ?»« Wa may yattaqillah, yaj'al lahu makhrajan » La crainte d'Allah Azzawajal vous ouvre beaucoup de portes, mes chers frères et sœurs. Il a dit, voilà mon cher professeur, il s'avère qu'hier soir, il y a une jeune fille qui est passée, et donc il a raconté l'histoire. Il a dit, alors qu'elle était devant le seuil de la porte, donc à l'entrée, il a dit, Satan est venu m'attaquer. Il m'a dit, profites-en, c'est une jeune fille charmante, toute seule, personne ne te voit. Profites-en pour faire donc zina al-fahisha. Tu es seul, il n'y a personne qui te voit. Il a dit pour repousser ce ouest de Satan qui était fort en moi, parce que je suis un être humain, je suis tenté, j'ai commencé à brûler mes doigts pour que je pense à la douleur, que je ne pense pas à ce qu'il me dit. Voilà taqwa. Il a préféré brûler ses doigts et souffrir physiquement que de prêter oreille, que de prêter attention à ce que lui dit Iblis, Satan. Et sa récompense, bien méritée, vous connaissez certainement la fin, sa récompense bien méritée, c'est que le cher, cet homme de science, lui a donné sa fille en tant qu'épouse. Il lui a dit, voilà ma fille, je te l'offre en tant qu'épouse. Voilà, c'est ça taqwa. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, croyez-moi, avec la taqwa, avec la crainte d'Allah azza wa jal, beaucoup de portes s'ouvrent, mais malheureusement, nous oublions tout cela. Donc ça, c'est la première tentative de Satan. Il essaie de faire tomber le croyant dans la mécréance, dans le shirk. Et s'il n'arrive pas, et que le croyant réussit à sortir de ce piège par la foi, par la guidance et le hidayah, il attend sur un autre terrain. Il n'a pas réussi à le faire adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'attaquer sur un autre terrain, qui est encore beaucoup plus sensible. C'est le terrain de la bid'a, l'innovation. Le terrain de la bid'a, l'innovation, il essaiera de lui faire croire ce qui est contraire à ce que Allah azza wa jalla a descendu et a fait envoyer via ses messagers. Ou alors il le poussera à adorer son Seigneur avec des pratiques ou par des pratiques et des rites qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélés. Il donnera une belle apparence à la chose. Veuillez retourner la cassette, s'il vous plaît.